بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ف comme j'ai dit pour terminer le cours d'aujourd'hui comme vous l'avez compris la parole de Cheikh ici vise cet appel à Allah tabarak wa ta'ala la da'wa de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam comme détaillé ici l'appel au tawhid et à délaisser toute forme de polythéisme. C'est cette chose qui, après ce qui advint à la majorité de la communauté, ce qu'il advint, comme il le dit, d'oubli de science, de délaissement de l'apprentissage de la religion, le diable leur présenta le fait de vouer un culte exclusif à Allah, c'est-à-dire cette da'wa, comme étant un dénigrement des pieux. Pourquoi un dénigrement des pieux? Comme on l'a dit, on leur donne cette place, la place qui leur est due. Et on met en garde contre le fait de leur associer ou d'associer auprès d'eux, comme je l'ai détaillé précédemment. Et c'est cette chose qui emmène beaucoup de gens, la majorité des gens, à estimer cette da'wa comme étant une da'wa qui vise à combattre les pieux, à dénigrer les pieux et autre que cela. Vous l'avez entendu, cet appel, cette da'wa ne vise en aucun cas à dénigrer les pieux. Plutôt, nous leur donnons le droit qui leur est dû. Nous les aimons pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous les respectons. Et nous ne les dénigrons pas. Mais si vous appelez le dénigrement de ces pieux, le fait de vous appeler à délaisser l'adoration que vous leur vouez, même si vous ne savez pas que cette chose est une adoration, et c'est ce qui est apparent lorsque les gens ont oublié la science, n'ont plus eu science de ce qu'était At-Tawhid, ni de ce qu'est Al-Shirk, ni de ce qu'est Al-Ibad à l'adoration, à ce moment-là, ils sont tombés dans l'interdit. Mais si cette chose pour vous est un dénigrement, alors appelez-le dénigrement, mais ce n'est en aucun cas un dénigrement des pieux. Pour ceux, bien sûr, qui font partie des pieux, je vais y venir. Puis il dit, et un manquement à leurs droits, et leur présenta l'association, donc le diable présenta à ces gens-là l'association à Allah, c'est-à-dire ces choses que ces gens vouent auprès des tombes, ou vouent aux gens qui se trouvent dans ces tombes, à Allah comme étant une marque d'amour envers les pieux et leurs partisans. C'est-à-dire, si tu n'associes pas à Allah tabaraka wa ta'ala en vouant ces actes d'adoration de cette manière-là, tu manques à tes devoirs envers ces pieux. Vous comprenez sa parole ici, à Cheikh. Ici, pour terminer le cours d'aujourd'hui, on va détailler ce qu'est Al-Wali. On entend beaucoup parler de l'Awliya, qui est Al-Wali, ce qu'on appelle dans certains pays Sayyid, Sidi Foulan. Qu'est-ce que veut dire ce mot Al-Wali? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est Al-Wali? Total. Ahsant. Les serviteurs, c'est qui craignent Allah. C'est quoi la preuve de ça? Ahsant. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ce verset de Sourate Younes, où il dit Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ses paroles, en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Les bien-aimés, c'est comme ça qu'ils ont traduit Al-Awliya. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Donc ils ont traduit les bien-aimés ici, Al-Awliya, donc qui est le pluriel de Wali. Donc le Wali, selon leur traduction, le bien-aimé. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Quel est ce Wali? Qui sont ces Awliya? Ceux qui croient et qui craignent Allah. Comme l'a dit le frère, comme l'ont dit les deux frères, Hafidahumullah. Tout croyant pieux. Et ceci, ces deux choses-là, sont les deux piliers de Al-Walaya. Al-Walaya, c'est-à-dire, comme on l'a dit ici, le fait, cette place de bien-aimé ou d'allié d'Allah Azzawajal, comme on pourrait le traduire, bien-aimé ou allié, c'est comme ça qu'on traduira le wali. Les deux piliers de cette walaya, quels sont-ils? Al-Iman, la foi, hein, wa taqwa, la piété ou la crainte, d'après ce verset. Et comme l'a dit le frère, Jazallahu khairan, et comme on l'a dit précédemment à de maintes reprises, les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, sont bien souvent, car ce sont des paroles qui sont courtes, mais qui ont beaucoup de sens, sont bien souvent prises comme des règles, au final, chez les gens de la sunna. « Man kana mu'minan taqiyan, kana lillahi waliya » Celui, dans le sens de sa parole, rahimahullah, celui qui est croyant et pieux, est un allié d'Allah, est un wali d'Allah. Donc tout serviteur pieux, tout, pour reprendre, parce que tu as dit tout serviteur, ça va dans le sens, le fait que le serviteur est le croyant, mais si on dira tout croyant pieux est un wali. Tout simplement. Est-ce que c'est restreint à ces gens-là qui étaient de grands pieux, qui ont fait de grandes choses dans leur vie? Tout croyant pieux est un wali. D'après ce verset, comme l'a rappelé le frère Zallah Khair. Voici ce que al-wali, chez les gens de la sunna, chez Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Venons à ce que al-wali, chez al-Soufiya, chez les voix soufis, qui sont de très nombreuses sortes. Et malheureusement, comme je l'ai dit avant la prière, la compréhension de ce terme al-wali, l'allié d'Allah, le bien-aimé d'Allah, qui est comprise par la masse des musulmans, malheureusement, est empreinte à de nombreux niveaux de la compréhension qu'ont al-soufiya de ce terme al-wali. Qui parmi les gens de la masse, si tu lui dis les gens qui sont pieux et croyants, ce sont des walis, il va te dire comment ça, ce sont des walis? Pour eux, le wali, c'est Sidi Foulan qui a passé toute sa vie dans l'adoration à Allah Azzawajal, qui était un ascète, qui était. C'est comme ça que la masse des gens voient le wali. Et comme on vient de le voir, d'après la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce n'est pas ça le wali. Donc nous voyons que la plupart des gens, leur compréhension de le wali est empreinte à de nombreux niveaux par la compréhension qu'ont donné al-Soufiya. Qu'est-ce que le wali chez al-Soufiya? On va commencer par une parole ici d'une personne, je reviendrai un petit peu plus tard, ça ne va pas durer longtemps comme je l'ai dit, inshallah ta'ala. Cette personne, Cheikh Mohamed Abou Idriss, qui fait partie des grandes figures chez les soufis. Mohamed Abou Idriss dit que les bien-aimés d'Allah, Al-Awliya, ou les alliés d'Allah, Al-Awliya, sont de trois niveaux. Ça, ce sont des paroles qui sont connues chez Soufiya, c'est comme cela, Al-Wali. Et même si une personne se revendique être soufi de telle voie, mais ne connaît pas cette chose-là, simplement parce qu'il n'a pas étudié ou rentré en profondeur, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui est connu chez les têtes de Soufiya. Et c'est pas quelque chose qui est caché, ils l'écrivent dans leurs livres. Al-Rifa'iyya, Al-Tijaniyya, et autres, Al-Shadhiliyya et autres. Il dit donc, Mohamed Abou Idriss, que les bien-aimés Al-Awliya sont de 3 degrés. Il n'y a pas de 4e degré. Et il dit, celui qui ne fait pas partie de l'un de ces degrés n'est pas un wali. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla dit cela. Et toi, tu dis autre chose. Celui qui ne fait pas partie de l'un de ces degrés n'est pas un wali. Il dit donc, ces trois sortes sont le grand degré, le degré intermédiaire et le petit degré. Il les a appelés comme cela. Haut degré, degré intermédiaire et petit degré. Il dit, le petit degré, c'est que tu voles au-dessus de l'eau ou que tu marches sur l'eau. Vous entendez parler de ces choses. Un tel a marché sur l'eau, un tel... Et sans aucun doute, Allah Azza wa Jal est capable de faire marcher quelqu'un sur l'eau. Et sans aucun doute, il est arrivé des signes comme cela aux premières générations parmi les sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien, comme à Sariya, lorsque Omar ibn al-Khattab, dans une expédition, il était sur le minbar Omar, et c'est rapporté avec une chaîne de transmission authentique, il était sur le minbar Omar ibn al-Khattab et il a vu, Allah Azza wa Jalla lui a fait voir cette expédition qui était menée par cette personne Sariya, il les a vus monter sur une montagne. Et de l'autre côté de la montagne, des ennemis de cette expédition. Et il s'arrêta et pendant la khutba a dit « Ya Sariya al-Jabala »« Ya Sariyatu al-Jabala » C'est-à-dire « Oh Sariya, prends garde à la montagne » C'est-à-dire de l'autre côté de la montagne. Et lorsque Sariya et les autres de cette délégation qui étaient partis en expédition sont revenus à Médine, ils ont raconté le fait qu'ils ont entendu Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin, les appeler et leur dire « Ya Sariya al-Jabala, prends garde à la montagne ». Et effectivement, il y avait des ennemis derrière la montagne. Ceci est rapporté qu'une chaîne de transmission authentique. Il n'y a pas de doute que ces signes-là, ils existent. Et autre que cela parmi des signes. Mais ici, donc, ils nous définissent el-wali comme étant quelqu'un qui doit rentrer dans l'une de ces trois catégories. Pardon. La première, donc, que la personne vole au-dessus de l'eau, marche sur l'eau, ou, il dit aussi, et ou qui rapporte des choses de l'invisible. Le deuxième degré, qui est le degré intermédiaire, que Allah Azza wa Jal donne ce degré, qui est le degré de la création, c'est-à-dire de savoir ce qui se passe dans la création et de pouvoir se comporter dans la création au point que la personne dit « kun fayakun », dit « soit » et une chose est. Ça, c'est le deuxième degré de al-walaya, d'être un bien-aimé ou un allié d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal lui donne cette place, qu'il sait ce qu'il se passe dans la création, qu'il peut lui-même créer. Le troisième degré, le haut degré, c'est le degré de Al-Qutbaniya. Al-Qutbaniya, c'est-à-dire que cette personne est un Qutb. Qu'est-ce que le Qutb? Ça nous amène à cette parole-là. Et ces paroles-là, sont ces appellations-là sont des appellations qui sont connues chez Soufia. Très connues chez Soufia. Al-Qutb, Wal-Ghawth, Wal-Badal, Al-Abdal, Wal-Nujaba, Wal-Nuqaba. Ça, vous l'entendez beaucoup. Et je vais rapporter une parole ici de Ali Jumu'a, qui est l'ancien mufti d'Égypte, qui est quelqu'un qui est noyé dans le soufisme, qui est noyé dans le soufisme. Ali Jumu'a, l'ancien mufti d'Égypte. Il est connu et reconnu comme étant quelqu'un qui est noyé dans cela. Il défend cette parole, Al-Qutb. Donc, le plus haut degré de Al-Walaya, c'est d'être un Qutb. Que Allah Azza wa Jal fasse de quelqu'un un Qutb. Qu'est-ce que le Qutb? Ils disent que Al-Qutb, cette définition, je l'ai pris dans un livre qui s'appelle Al-Ta'rifat de Al-Jurjani. C'est un livre qui est reconnu à propos des définitions. Al-Ta'rifat, c'est-à-dire les définitions. Il y a de nombreuses définitions, des définitions dans le soufisme, des définitions dans le fiqh, des définitions dans l'aqidah. C'est un livre qui est connu et reconnu chez les savants. Alhamdulillah. Ça ne veut pas dire que Al-Jurjani, qui a rapporté cette définition, est d'accord avec cette chose-là. Il rapporte des définitions. Qu'est-ce que ces termes employés chez les soufis. Il dit le Qutb, c'est une expression qui désigne une personne à qui Allah Azza wa Jal a donné les rênes de la création. Il se déplace dans la création comme il le veut et il organise ce qui se passe dans le monde comme il le désire. Et cette personne-là, sa science vient d'Allah directement. Tabaraka wa ta'ala. Et dans chaque époque, selon eux, Allah désigne un Qutb. Et c'est lui qui s'occupe de la création. Qu'est-ce que le Raouf? Le Raouf, c'est tout simplement le Qutb lorsque les gens se dirigent vers lui. Et lui demandent de les aider, leur demande de l'aide, leur demande du secours, etc., etc. parmi les formes d'adoration. À ce moment-là, le Qutb, puisque ça fait partie des choses qui lui sont propres. Les gens ont le droit de lui demander de l'aide. Et comme il se déplace dans toute la création... Ça, c'est quelque chose qui est connu chez Sophia. Ils sont en Amérique et ils demandent à leurs chers qui se trouvent dans tel et tel endroit de les aider. Sahoula, Biram, c'est comme ça ou pas? Oui, oui. Quand ils sont, je demande le frère, parce que le frère est sénégalais, il connaît très bien comment ça se passe, surtout du côté de Touba et autres, ouais. Comme on a parlé aussi dans les cours précédents. Il lui demande donc à n'importe quel endroit. Il est en Amérique, il demande à un tel le Qutb. De l'aider, de lui arranger ses affaires, etc. Mais pourquoi? Parce que c'est une personne qui se déplace dans la création comme il le souhaite. Et donc au moment où il va lui demander de l'aide, on appellera ça Raouf. On dit ça c'est un Raouf. C'est un Qutb Raouf. Il y a d'autres paroles, Al-Abdal, Wal-Nuqaba, Wal-Nujaba, etc., etc. Et chacun d'entre eux, Soufia, il leur donne un certain nombre. Par exemple, Al-Abdal, ils sont au nombre de 4. Je crois que Nujaba ou Nuqaba, ils sont au nombre de 40. Donc, à chaque époque. Ce sont des gens donc, qui sont parmi les alliés, les bien-aimés d'Allah comme ils le prétendent, l'Aulia, qui ont cette place-là. Et regardez Ali Jumu'a, dans cette parole, il défend cette appellation Qutb. Et il dit, ça fait partie de sa manière de rendre la fausseté vraie, de dissimuler le faux et de le faire passer pour une vérité. Il dit Ali Jumu'a, il dit, certains disent que le Qutb n'a pas d'évocation dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, certains parmi eux parmi les grands savants comme Suyuti, ce qu'il dit de Suyuti, ce n'est pas étonnant. Mais je n'ai pas vérifié si Suyuti le dit exactement. Mais Suyuti, il faut savoir que Jalaluddin Suyuti était quelqu'un aussi qui était, malgré qu'il a que c'était un grand savant, qu'il a des livres qui sont profitables, c'était quelqu'un aussi qui était noyé dans du soufisme. Il faut le savoir. Quand tu vois, quand ils mettent en avant l'imam, Jalaluddin Suyuti, c'était quelqu'un qui avait de la science, mais qui était noyé dans le soufisme. Il faut bien faire attention à cette personne-là. Et donc, ce n'est pas étonnant si vraiment Suyuti rapporte cela, mais il dit donc à Ali Jumu'a, Suyuti a rapporté ses hadiths, etc., etc. La vérité, c'est qu'il n'y a aucun hadith sahih, authentique, où il y a l'évocation de Al-Qutb. Ce terme-là, Al-Qutb. Aucun hadith sahih. Et Ali Jumu'a continue sa philosophie après et dit, dans tous les cas, ces hadiths, ils sont véridiques. Maintenant, on a vu depuis quelques années des gens qui sont venus et qui nous parlent de l'authenticité des hadiths, etc., etc. En gros, ils parlent des gens du hadith qui font la différence entre le sahih et le da'if. Eux, ils ne font pas de différence. Ils prennent un livre comme Hayat Sahaba, la vie des compagnons, Hayat Sahaba, et ils te disent, voilà, c'est comme ça qu'était le Sahaba. Alors que les 90% du livre, ce sont des hadiths qui sont faux ou inventés, ou des athars qui sont faux et inventés. Puis il dit, ça c'est la parole de Ali Jumu'a. Et donc nous voyons que Ibn Taymiyyah, Ibn al-Jawzi, Ibn al-Arabi, al-Maliki et autres, parmi les savants, affirment, parmi les savants connus et reconnus pour leur science de le hadith, affirment qu'il n'y a aucun hadith authentique parlant de l'Qutb. Par contre, il y a certains athars rapportés de Sahaba où ils parlaient d'une chose qui s'appelle l'Qutb. Qui s'appelle l'Abdal. On a dit Al-Qutb ou Al-Abdal. Al-Qutb, il n'y a rien du tout. Ni hadith, ni athar. Al-Abdal, comme on l'a dit. Al-Abdal qui sont au nombre de 4 dans le monde entier, qui ont une place très élevée. Et Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, lui-même qui nie l'existence de Al-Qutb et de Al-Abdal, comme les soufis le prétendent, rapporte cette appellation-là dans Al-Aqid Al-Wasitiyya, que vous connaissez tous. Et lorsqu'il utilise cette appellation Al-Abdal, comme l'ont utilisé Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, et certains parmi les Sahaba et certains parmi les Salaf, il veut par cela, lorsqu'il désigne par ce terme-là Al-Abdal, l'ulama, les savants qui œuvrent selon leur science, des gens pieux et autres que ça. Mais en aucun cas, il désigne par cela Al-Abdal, comme ils le disent, Al-Sufiya, qui ont une manière de se comporter dans la création et qui peuvent répondre à des besoins, etc. etc. Ceci pour être clair. Revenons rapidement donc à Al-Walaya. On a su ce qu'était Al-Wali chez les gens de la Sunna. Chez Al-Sufiya, qu'est-ce que Al-Wali? Ibn Arabi, on en a déjà parlé dans des cours précédents, qui est une grosse tête chez Al-Sufiya, dit « Maqamun nubuwati fi barzakh fuwayqa al-rasuli wa dun al-wali » Dans le sens de ces paroles, la place de la prophétie est dans un monde intermédiaire entre le message, entre quelqu'un qui serait un messager, au-dessus de celui qui serait un messager, au-dessus du messager, donc pour lui là, le prophète est au-dessus du messager, et en dessous de l'Wali. Donc chez Soufia, il faut savoir que le plus haut degré, c'est l'Walaya, le fait d'être Wali. On a vu la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'Wali, tout croyant pieux est un Wali. Chez Soufia, l'Wali, c'est lui. Regardez, le plus grand des walis, c'est le Qutb. C'est qui le Qutb? C'est Allah pour eux. Est-ce qu'il y a une divinité avec Allah, tabaraka wa ta'ala, quand ils prétendent qu'une personne, peut se comporter dans la création comme il le veut, et celui qui est en dessous de cette personne-là, du Qutb, en dessous de lui, peut dire à une chose, soit et elle est. En dessous de lui, il dit, soit et elle est. Qu'en est-il de cette personne-là, le Qutb? Et on l'a vu quand on a parlé de Serine Touba. Vous vous rappelez? Où la personne, elle dit clairement, parmi les mourides, ce qu'on appelle mourides, qui dit « Serine Touba, c'est lui Allah ». Ils le disent clairement, on l'a vu l'autre jour, vous vous rappelez? Donc, Abdul Karim Al-Jili, qui fait partie des têtes de Soufia, il dit « Cette place-là, la place de Wali, est meilleure que la prophétie ». Al-Hafidh ibn al-Jawzi, dans son livre Talbis Iblis, rapporte de Abu Yazid al-Bistami, qui fait partie des grandes têtes de Soufia, Abu Yazid al-Bistami. Il rapporte, Ibn al-Jawzi, il dit, il lui a été dit, l'ensemble des créatures se trouve sous l'étendard de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a été dit ça à Abu Yazid al-Bistami. Qu'est-ce qu'il a répondu à Abu Yazid al-Bistami? Ceci est présent dans leur livre. Il a dit, Wallahi, par Allah, mon étendard est plus grand que l'étendard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mon étendard est fait de lumière en dessous de cet étendard, c'est-à-dire en dessous de sa bannière, son étendard, sa bannière, en dessous de lui. En dessous de lui se trouvent les djinns, les hommes et l'ensemble des prophètes. Abu Yazid al-Bistami, parmi les grandes têtes qui sont respectées chez Soufia. Et c'est pour cela que, pour ne pas rentrer dans certains détails, ils disent que Al-Khadir, dont son évocation est faite dans Surat Al-Kahf, est meilleur que Moussa alayhi salam. Parce qu'il savait plus de choses que Moussa alayhi salam. Ils disent que Al-Khadir était un wali et Moussa était un prophète messager. La vérité, wallahu a'lam, et pour ne pas rentrer dans les détails, c'est que Al-Khadir faisait partie aussi des prophètes, était lui-même un prophète. Ceci est la vérité. La preuve, c'est qu'il dit « وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي » Je ne l'ai pas fait de mon propre chef. Donc d'où ? De la révélation d'Allah Azza wa Jal. On a vu que le prophète, c'est celui qui reçoit une révélation. Et le wali ne reçoit pas de révélation. Quelque wali que ce soit, il ne reçoit pas une révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous comprenez ? Ils disent, les soufis, lorsqu'ils disent que le wali est meilleur que le prophète et messager, pourquoi ? Ils disent parce que le prophète et le messager, Allah Azza wa Jal leur enseigne la législation apparente, uniquement, ce qui est apparent de notre législation. Alors que le wali, selon eux, Allah leur enseigne la législation apparente et la législation cachée, la réalité des choses, comme ils le disaient, le haqiqa, la réalité des choses. Et il dit aussi, le prophète et le messager prennent tous deux d'Allah par l'intermédiaire d'un ange, Jibril alayhi salam, qui descend avec la révélation. Alors que le wali, il prend d'Allah directement. Cette parole-là, c'est tellement connu chez As-Soufiya qu'il n'y a même pas besoin de rappeler qui le dit, puisque l'ensemble de Soufiya, parmi les têtes des voix soufis, rapporte cette chose-là. Et ceci est quelque chose de reconnu chez As-Soufiya, que le wali est meilleur que le prophète et le messager. Ici, je vais terminer en rappelant comment se comporte Soufiya envers Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité dans l'adoration. Avant cela, un point concernant l'Awliya, Siyyid, etc. Comme je l'évoquais, l'Badawi, l'Hussein, radiallahu anhu, l'Hussein qu'il prétend être dans tel et tel et tel pays. De même que Abdus Salam al-Asmar, qui se trouvait dans une ville qui s'appelle Zlitun, en Libye, qui se trouve à l'est de la Libye. Abdus Salam al-Asmar, j'en ai déjà parlé dans un cours précédent, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là. C'était quelqu'un qui était estimé comme un grand pieu là-bas en Libye. Au point que si tu vois des photos de sa mosquée, alhamdoulilah, cette mosquée-là, elle a été détruite. En tout cas, l'endroit, parce qu'il était enterré dans la mosquée. Et quand tu vois la mosquée, elle est tellement grande que au premier abord, tu as l'impression que c'est la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un endroit immense où les gens venaient adorer cette personne-là, Abd Salam al-Asmar. Une chose comme ça, entre guillemets, une personne qui s'appelle l'Arifi. L'Arifi, voilà, Mohamed l'Arifi. Un Saoudien comme ça qui est connu sur les chaînes et sur YouTube, etc. Mohamed l'Arifi, pour que ce soit clair, qui est quelqu'un qui n'est pas des gens de la Sunna. Clairement pas des gens de la Sunna, cette personne-là. Plutôt, il a des paroles de l'Khawarij et autres. Mohamed l'Arifi, quand il est venu en Libye, le cours qu'il a été donné... Le premier cours qu'il a été donné se trouve, et il l'a donné dans cette mosquée-là, la mosquée d'Abd Salam al-Asmar. Et un cours sur les bons comportements. Tu vas dans une mosquée qui fait partie des mausolées les plus grands. Abd Salam al-Asmar, c'est le plus grand mausolée d'Afrique. Tu vas parler des comportements dans une mosquée où il y a une tombe. Sachant l'interdiction de prier dans une mosquée où il y a une tombe. Et les gens de l'innovation, c'est comme ça qu'ils. C'est leur monnaie de prêche. Et comme on l'a dit, il y a aussi beaucoup d'argent derrière tout cela. Parce que à chaque mausolée comme cela, tu trouveras une grosse boîte, un gros sundouk, une grosse caisse où les gens viennent donner de cet argent. De leur argent pour faire des... Donc par cela, ils font des vœux pieux, etc., etc. Ceci, il faut bien le savoir. Et toujours, il y a quelqu'un qui attend devant. Il attend devant et il attend voir s'il n'y a pas de problème avec la boîte. Il attend de voir les gens qui viennent et qui font leur don. Et c'est ces gens-là qui se partagent l'argent au final. Ça, il faut bien le savoir aussi. Et donc, Abd Salam al-Asmar, qui était le plus grand mausolée d'Afrique, qui aujourd'hui a été détruit, walillah alhamd. Cette personne-là, Abd Salman al-Asmar, était estimé comme étant quelqu'un de très pieux. Cheikh Mohamed Taqidin al-Hilali, al-Maghribi, rahimahullah ta'ala, raconte une histoire qu'il rapporta, lui qui est parti en Libye plusieurs fois. Il raconte une histoire qu'il rapporta d'une personne qui vient de Tarablus, donc de Libye. Abd Salman al-Asmar, c'était quelqu'un qui, avec ses mourides, donc ses suiveurs, c'était quelqu'un qui était un chef d'une... un cheikh d'une tariqa soufia, d'une voie soufie. Avec ses mourides, avec ses suiveurs, il dansait, comme le font les soufis. Donc il danse jusqu'à tomber en transe. Ça, c'est connu. Je pense qu'avec YouTube et ce genre de choses, il n'y en a pas un d'entre vous qui va dire « j'ai jamais entendu parler de ça ». Donc il dansait comme cela. Il dansait, il tapait d'un tambourin qu'il prétendait que ce tambourin était le tambourin de Ali Ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui était descendu, qui était tombé du paradis, qui l'avait ramassé, qui tapait, et que Ali tapait de son tambourin pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Prétendait cela. Donc il tapait du tambourin avec ses mourides, avec ses suiveurs, il dansait, il tombait en transe. Cette personne-là, il avait un âne. Et cet âne, ils avaient l'habitude de lui accrocher un panier autour du cou et de le faire le tour des gens du village. Et chacun des gens du village, il mettait à manger dans ce panier, qui revenait au final chez Abd Salam al-Asmar et ses suiveurs, et ils mangeaient de cela. Ils prétendaient donc qu'ils n'avaient pas besoin de travailler. Regardez, Allah Azza wa Jalla nous accorde notre subsistance. On est sur la vérité. Vous voyez comment Shaitan joue des gens. Lorsqu'il est mort, Abd Salam al-Asmar, lorsqu'il est mort et que ses suiveurs se sont éparpillés après sa mort, il restait l'âne, tout seul, sans personne. Et il continue à tourner dans le village avec, et les gens ils continuent à lui donner à manger. Jusqu'à ce qu'il soit mort, et les gens ils lui donnaient à manger, pardon, et ils demandaient El Baraka de cet âne-là, qui était l'âne de Abd Salam al-Asmar, un grand pieux. Il demandait El Baraka, il cherchait El Baraka auprès de l'âne, continuait à manger. Lorsqu'il est mort, cet âne-là, il a été enterré, des années sont passées, la science a été oubliée, les choses ont été oubliées, ils ont commencé à adorer cet âne-là, à l'endroit où est-ce qu'il a été enterré. C'est-à-dire, même dans ces tombes, dans ces mausolées, où ils prétendent qu'il y a Sidi un tel, tu ne sais même pas ce qu'il y a d'enterré là-bas. Si un des plus grands mausolées au monde, aujourd'hui, adoré en dehors d'Allah Azza wa Jalla, la tombe où ils prétendent que c'est la tête de l'Hussein, des millions de personnes chaque année qui viennent visiter la tombe de l'Hussein, alors que cette tête-là, elle n'est jamais arrivée en Égypte, et qu'il y en a 3, 4, 5, 10 des tombes de la tête de l'Hussein. Qu'en est-il de tous ces autres mausolées? Et comme on l'a vu dans cette histoire, certains, ce sont des animaux qui sont enterrés. C'est pour ça que je disais, certains d'entre eux sont des pieux, mais certains, et même si ce sont des pieux, ça ne donne pas le droit de les adorer en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Certains d'entre eux sont soit des gens qui ne sont pas pieux du tout, soit des gens, soit des animaux, ou autre que cela. Et pour terminer juste l'anecdote, moi j'ai des personnes que je connais personnellement, qui étudiaient avec nous, qui ont pris part à la démolition de ce tombeau, Abd Salam al-Asmar, qui m'ont raconté que lorsqu'ils ont démoli le tombeau, ils ont trouvé, la démolition du tombeau, vous pouvez même la trouver sur internet, en vidéo. Lorsqu'ils ont démoli le tombeau, ils ont trouvé beaucoup de photos avec des nœuds, des cadenas, des touffes de cheveux, des vêtements, etc., etc. Quand ils ont pris tout ça et ils les ont brûlés, beaucoup de gens de la ville, des gens de la ville qui étaient malades depuis 10, 20 ans, 30 ans, ils sont venus les voir, ils ont dit « Allah Azza wa Jalla m'a guéri ». Ça, c'est la monnaie aussi de change de Sahara, des sorciers et des imposteurs. Parce que pour être aidé, ces sorciers, ces marabouts, etc., pour être aidé par les djinns et les shayatins, il faut faire une offrande. Et quelle meilleure offrande que l'adoration d'autres qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, que shirk. Quelle meilleure offrande pour eux, bien sûr, que shirk, billahi azza wa jal. Ils vont, ils font cette adoration, ils font quelque chose auprès des tombes, etc., etc. Et à partir de là, shayatin, ils sont d'accord pour les aider. Et ça, vous les trouvez dans plein de mausolées. Et d'autres personnes, parmi des gens proches de moi, qui ont pris part à d'autres démolitions de tombeaux là-bas en Libye, après la mort de Al-Qaddafi et autres, m'ont informé de la même chose dans d'autres villes. Quand ils démolissaient, ils trouvaient toutes ces choses-là, mais des choses en pagaille. Et on termine sur, je vais terminer ici sur simplement l'adoration de Soufia. Donc là, pourquoi si on parle de Soufia, comme je l'ai dit, parce que Soufia, une des choses qui les caractérise, cette place qu'ils donnent à certains de leurs pieux, soi-disant, ces pieux qui demain sont dans des tombes et qui sont appelés chez les gens de la masse Sidi Foulan, et cette adoration continue, soit de la même manière ou d'une autre manière. Et c'est quelque chose qui a gangréné beaucoup de pays d'islam, comme vous le savez très bien. As-Soufiya, il faut savoir que, premièrement, comment ils se comportent dans l'adoration concernant Tawhid al-Uluhiyya. Il faut savoir que, concernant Allah, tabaraka wa ta'ala, chez As-Soufiya, comme on l'a vu par le passé, ceux qui sont tombés dans l'exagération parmi Soufia, parmi eux, Al-Rifa'iyya, Al-Shadhiliyya, Al-Tijaniyya, Al-Murid, autres, tous ces noms que vous entendez, Al-Qadiyaniyya, etc. Et je ne manque pas de rappeler que Jama'atut Tablir, ce qu'on appelle les Tablir, Jama'atut Tablir wa Da'wa, ce sont des gens qui ont pactisé selon quatre groupes soufis. Ce sont des gens qui, à la base, sont des soufis. Et jusqu'à maintenant, on voit ces bases de Soufia chez eux. De même que l'Ikhwan, al-Muslimoun, Hassan al-Banna, comme je l'évoquais dans des cours précédents, si vous vous rappelez, ceux qui étaient là, qui le rappellent lui-même dans ses livres, qu'ils avaient l'habitude de partir à la tombe de Sidi Sinjar, dans la ville de Damenhour, en Égypte, et qui faisaient donc ce voyage vers cette tombe-là, etc., etc. La plupart de ces sectes-là sont empreintes de ce que nous voyons ici. Donc, Soufia, ceux qui exagèrent parmi Soufia, concernant Allah, tabaraka wa ta'ala, ils ne font pas la différence entre Allah et son serviteur. On l'a vu précédemment, cette chose-là, vous vous rappelez? Car chez eux, il n'y a pas d'adorateur et d'adoré. Pourquoi? Parce que toute chose est unique. Toute chose est Allah, tabaraka wa ta'ala. Ceux qui disent donc, wahdatul wujud. Toute chose est Allah. Vous vous rappelez cette parole de Ibn Arabi qu'on avait rappelée? Il disait, dans plusieurs versions, il disait, le Seigneur est serviteur et le serviteur est Seigneur. J'aurais aimé savoir qui est celui qui est responsable du point de vue de la législation, al-mukallaf. Si tu dis serviteur, celui-ci est un Seigneur. Et si tu dis Seigneur, eh bien, comment pourrait-il être responsable civilement ou... pardon ? Juridiquement, Ahsant ? Bah oui, s'il n'y a pas de différence entre le Seigneur et le serviteur, comment est-ce qu'il pourrait être responsable ? Donc c'est pour ça que nous voyons que les têtes chez As-Soufia, ceux qui ont atteint cette place de Wali, etc., ils délaissent l'adoration. Ceci est quelque chose qui est connu. Et comme le disent nos savants, apprenez cela, ils disent que le plus haut degré chez Soufia correspond à un enfant en bas âge chez Ahl Sunnah. L'enfant en bas âge chez Ahl Sunnah, avant qu'il ait atteint le boulour, avant d'avoir atteint la puberté, qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas mukallaf, il n'est pas responsable juridiquement. De même que le plus haut degré chez Soufia, il n'est plus responsable du point de vue de Sharia. Et je terminerai par ça. Barakallahu fikum. Il dit, concernant leur acte d'adoration qu'il voue à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, parmi ce grand nombre d'adorations qu'il voue à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous voyons que Al-Busiri, vous rappelez de Al-Busiri, on a lu des parties de sa poésie, qui est une poésie où il y a, bien sûr, cette poésie Al-Burda, qui est connue, le manteau, est une poésie où il a voulu faire l'éloge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, elle est très répandue pour cela et les gens l'étudient, la lisent, etc. pour cela, malgré que dans cette poésie, il y a du shirk clair de l'association. Lorsqu'il dit, dans le sens de ses paroles, au plus noble des messagers, parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au plus noble des messagers, dans une version, au plus noble des créatures, je n'ai personne en dehors de toi vers qui me tourner et demander secours. Parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'autre personne à qui demander secours, si ce n'est au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ay ilahun ma'allah. Est-ce qu'il y a une divinité en dehors d'Allah ou avec Allah? Il dit aussi, si tu ne te trouves pas au jour dernier, il parle du jour dernier, si tu ne me prends pas par la main au jour dernier, il n'y aura personne pour me venir en aide. Et dans une autre de ses phrases, il dit, parmi ta générosité, cette vie d'ici-bas et l'akhira. La générosité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cette vie d'ici-bas et l'au-delà. Et parmi ta science, la science de la tablette et de l'qalam, de la plume. La tablette, l'awh al-mahfouz, qui se trouve au-dessus du trône d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de la plume. Qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il créa la plume, lui dit, écris tout ce qui sera jusqu'au jour du jugement. Et bien ça, c'est la science chez le Boussiri et chez Sophia. Ça, c'est la science du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Réfléchissez bien, quand on parle de cela, avec ce qu'on a vu, que Al-Wali, il est au-dessus du prophète, de l'ensemble des prophètes et des messagers. Qu'en est-il alors? Si ça, c'est la place qu'il donne au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la place qu'il donne à leur Awliya, parmi les chefs de Turuq Sophia? On revient encore à cette vidéo sur Sirin Touba, où les gens disaient clairement, Sirin Touba, c'est lui, Allah. Ils disent dans certains de ces vidéos qu'on a vues, si le jour du jugement, Allah et son prophète viennent, et Sirin Touba vient de l'autre côté, je choisis, je suivrai Sirin Touba. Ça, c'est des gens qui ils sont là, ils sont vivants, ils vivent de nos jours. Une dernière chose, je terminerai sur cela, Al-Rifa'i, qui fait partie des grandes têtes de Soufia, qui est donc le cheikh de la voie soufie, Al-Rifa'iya. Il dit, dans une poésie, où il incite ses suiveurs à lui demander de l'aide en dehors d'Allah Azza wa Jal, et à lui demander de rajouter, de leur donner des biens. Et il les appelle clairement dans cette poésie à associer à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il dit, Bushrakumu ya salikina tariqati, Bushrakumu qad niltum ikrami, Ahmikum inda al-mamati wa ba'dahum, inda as-sirati bi as'ab al-ayami. Il dit, faites dans le sens de ces paroles, faites-vous la bonne annonce, ô mes suiveurs, ô ceux qui suivent ma voix, faites-vous la bonne annonce, dans le sens de ces paroles. Je vous protège au moment de la mort et après la mort, au moment de passer sur le pont As-Sirat et au moment des plus durs de vos jours. Je vous protège. Al-Rifa'i. Il dit clairement dans un autre passage, il dit, Falja بأعتاب عزي والتمس مددي وطوف ببابي وقف مستمترا نعمتي. Dans le sens de ces paroles, reviens vers moi et demande de ma puissance et recherche que je te donne, que je te rajoute, je te donne des biens. Et viens à ma porte et demande-moi de faire pleuvoir sur toi de mes bienfaits. Et ça, c'est la voix de As-Soufia concernant Al-Tawhid. Tawhid al-Uluhiyya. L'unicité dans l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, lorsque nous voyons que Cheikh al-Islam, ce grand imam qui est mort il y a plus de 200 ans, presque 250 ans, lorsqu'il nous parle, il nous dit, puis lorsqu'advint à la majorité de la communauté ce qu'il advint, qu'ils ont oublié la science, que les imams de l'égarement ont perverti les pensées de beaucoup de gens, les imams de l'égarement. Le diable leur présenta le fait de vouer un culte exclusif à Allah comme étant un dénigrement des pieux et un manquement à leurs droits. Lorsqu'on dit n'adorez pas Absalam al-Asmar, n'adorez pas un tel, n'adorez pas un tel, pour ces gens-là, et malheureusement, donc la majorité de la communauté, comme le dit, nous sommes en train de les dénigrer, ces pieux, pour ceux parmi eux qui sont des pieux. Et un manquement à leurs droits, et leur présente à l'association à Allah comme étant un manque d'amour envers les pieux et leurs partisans. Chez Soufia, vous vous rappelez l'autre jour, on a juste rappelé ce que certaines paroles disent, ce que certaines personnes, pardon, disent sur Sirin Touba. Qu'est-ce qui s'est passé? Un de nos frères qui priait avec nous est venu me voir à la fin de la prière et m'a dit, c'est bien, tu parles, tu dis Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais quand tu parles de Sirin Touba, ça fait mal. Je n'ai pas manqué de respect à Sirin Touba. Je n'ai même pas parlé sur lui parce que je ne connais pas exactement quelles sont ses paroles. Malgré que Sirin Touba était quelqu'un qui faisait partie de la voie Tijaniya, qui était noyé dans du soufisme. Mais je n'ai pas apporté ses paroles, juste des paroles de certains de ses suiveurs qui sont clairement de l'association. Sirin Touba, c'est lui Allah. On va laisser ça comme ça et rien dire. Malgré ça, j'ai juste rapporté cette parole-là et deux, trois autres paroles. La personne est venue me voir et m'a dit, ne parle pas de Sirin Touba, ça fait mal. Ça, c'est l'état de la communauté depuis ces années jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup, parmi la masse des gens de la communauté, ont été égarés par des imams égareurs qui leur font croire que ceci est la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wallahi, parmi beaucoup, parmi les gens de la masse, parmi nos parents, les grands-parents, les oncles, jusqu'à des enfants, ils voient que ce qu'on appelle siyyed dans certains pays, c'est ça la religion d'Allah, azza wa jalla. Si tu as un problème, tu as besoin que ta femme, tu veux que ta femme elle soit fertile, tu veux que ça, jusqu'à ce que les parents emmènent leurs enfants depuis tout petit. C'est dit un tel dans le pays, dans le village. C'est une réalité. Donc il faut redoubler d'efforts dans notre appel à Allah, tabaraka wa ta'ala. Dans notre apprentissage, première chose, comme le dit l'imam al-Bukhari, Bab al-ilmi qabla al-qawl wal-amal. La porte de la science, le chapitre de la science, avant les paroles et les actes. Puis l'appel à Allah, tabaraka wa ta'ala, parce que tu peux. Les gens qui sont autour de toi, puis les gens les plus proches et les plus éloignés. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.